Chapitre 20e, un coup de théâtre. Monsieur de Kerlusset, une fois arrivé dans la rue de Courcelles, examina très attentivement toutes les maisons. Parvenu aux deux tiers de la rue, un hôtel attira ses regards. Ni grand ni petit, et de construction récente, cet hôtel, dont l'architecture affectait plus de coquetterie que de bon goût, devait, selon toute apparence, servir de nid à l'une de ces hirondelles passagères du demi-monde. Amaury devina tout cela d'un coup d'œil. Sans hésiter, il mit pied à terre et sonna à la porte de l'hôtel. « Mademoiselle Célestine Marbeau ? » demanda-t-il au Suisse galonné qui avait ouvert. « Madame est à son théâtre, » répondit d'un ton superbe l'Hercule préposé au cordon. « Elle ne rentrera qu'à 11 heures. » « Ne pourrais-je point, en l'absence de votre maîtresse, parler à Mademoiselle Lazie ?» reprit le vicomte. « Il s'agit d'une communication importante et très pressée. » Montez au second, première porte à droite, et vous trouverez la femme de chambre de madame, dit le Suisse en reprenant majestueusement place dans son fauteuil. Arrivé au second étage, M. de Kerlusset frappa à la porte indiquée. La porte s'ouvrit et Asie se montra. Qui êtes-vous, monsieur, et que me voulez-vous? Dit-elle, toute surprise en apercevant un visage inconnu. Je me nomme le vicomte de Kerlusset, et je suis le fiancé de Mademoiselle Marcel de Vallombreuse, répondit Amaury. Ah! Je devine alors le motif de votre visite, reprit Asie. Vous êtes à la recherche de M. Octave, précisément. Il est parti il y a 15 jours dans la soirée avec ma maîtresse et on ne l'a plus revu ici. Ainsi, vous ignorez ce qu'il est devenu complètement. Amaury, tout désappointé, allait se retirer lorsqu'un commissionnaire entra dans la chambre, remit une lettre à la jeune camériste, puis se retira. Asie regarda alors la suscription et reconnut l'écriture. « Celui qui a écrit cette lettre, dit-elle au vicomte, sait où se cache ce pauvre jeune homme, mais il s'est bien gardé d'en parler devant moi. » Monsieur de Kerlusset, en entendant ces mots, jeta un regard singulier sur la lettre qu'Asie tenait à la main et une pensée traversa son cerveau. Toutefois, il hésita un moment. En effet, l'acte qu'il méditait était peu compatible avec la sévérité de ses principes. Mais il se dit bientôt qu'il avait affaire à une drôlesse de la pire espèce et que dès lors, il lui était bien permis de donner une entorse à sa loyauté habituelle. Il enleva lestement la lettre avant qu'Asie songeât même à la lui reprendre, et voici ce qu'il lut à haute voix. « Ma chère Titine, un télégramme m'annonce que la maman va retirer sa demande en interdiction contre le jeune homme. Tu peux donc lui ouvrir sa cage de ville d'Avray et lui faire signer les 200 000 francs de lettres de change. Ça la remettra aussitôt les espèces sonnantes. Je m'ennuie démesurément ce soir. Fais préparer à ton retour du théâtre un bon petit souper pour me désattrister. Je serai chez toi à 11 heures et nous tâcherons de rire un tantinet. » Signé Toto. Toto, fit le vicomte de Kerlusset avec étonnement. C'est le surnom de Martineau, l'ami de cœur de Célestine, répondit Asie. Fort bien, mais où se cache Octave? Ville d'Avray, c'est bien vague. Au contraire, c'est fort clair, il est caché dans sa villa. La villa de qui? De ma maîtresse. Où est-elle située? En face l'église, troisième maison à gauche. Amaury, sans en entendre davantage, s'élança vers la porte. Mais vous ne pourrez pas entrer. Célestine, sans doute, a la clé. Soyez sans crainte, j'entrerai. À bientôt. À bientôt, comment ça? Le vicomte de Kerlusset descendit rapidement l'escalier et disparut. Asia recacheta la lettre et la porta dans le boudoir de sa maîtresse. Gare Saint-Lazare, ventre à terre, dit Amaury en remontant dans la remise. Arrivé à la gare, il donna 20 francs au cocher et courut prendre un billet pour Ville d'Avray. Pendant qu'il franchissait la distance qui le séparait du jeune duc de Vallombreuse, celui-ci, assis près d'une table sur laquelle était placé un flacon d'absinthe, songeait à Célestine Marbeau qu'il n'avait point vue depuis 3 jours. « Qui a pu l'empêcher de venir ?» se demandait-il. « La chère petite, comme elle doit souffrir de ne pas me voir. » Que le temps doit lui sembler long, elle-même temps. Il prit le flacon et se versa un verre d'absinthe qu'il but d'un seul trait, puis il s'étendit dans un fauteuil comme un homme dont la pensée s'endort. Après être demeuré quelques minutes plongé dans une sorte d'engourdissement physique et moral, il se dressa tout à coup et frappant sur la table. « Si demain Célestine ne vient pas, demain soir j'irai la trouver malgré sa défense et nous verrons bien. » Il prit de nouveau le flacon et de nouveau remplit son verre. Déjà il l'approchait de ses lèvres lorsqu'un bruit parti du dehors arriva jusqu'à son oreille. Qu'est-ce cela ? Fit-il. Il m'a semblé qu'on ouvrait une porte. Est-ce que Célestine ? Mais non, elle est à son théâtre. Je me serais trompé, sans doute. Octave ne s'était pas trompé, car des pas se firent entendre dans la pièce qui précédait celle où il se trouvait. Il se leva, courut la porte et l'ouvrit. Le vicomte de Kerlusset était devant lui. Amaury, après être arrivé devant la villa de Célestine Barbeau, avait fait le tour du mur d'enceinte, était monté sur une borne, de cette borne sur le mur, et du mur, il s'était élancé dans le jardin. Octave, dans le premier moment, n'avait point reconnu M. de Kerlusset. « C'est moi, Amaury, » dit le vicomte. « Amaury, » fit le duc stupéfait. « Je vous croyais encore là-bas. Mais vous me saviez donc ici ?»« Oui. »« C'est ma mère qui vous envoie ?»« Non. »« Alors, que venez-vous faire ?»« Venez. »« Où voulez-vous m'emmener ? » ?»« Suivez-moi, vous dis-je. »« Mais j'ai promis à Célestine de ne pas quitter ma cachette sans qu'elle me l'ait dit. »« C'est chez elle que je vous conduis. »« Chez elle ? Vrai ? Je ne mens jamais. »« Est-ce qu'elle m'attend ? Je vous apprendrai tout cela en route. » Mais je n'ai pas la clé de cette villa. Nous sortirons comme je suis entré, en passant par-dessus le mur. Mais ne perdons pas une minute, partons. Et Amaury entraîna Octave sans lui laisser le temps de recueillir ses idées. Célestine Marbeau profitait largement de la liberté que lui laissait la retraite forcée du jeune duc de Vallombreuse. Deux ou trois fois la semaine, elle se rendait à la sortie de son théâtre au journal de Martineau, et l'emmenait le journaliste dans son coupé, souper chez elle. On peut juger si la lettre de son cher Toto fut accueillie avec joie par Célestine lorsqu'elle rentra à 11h15 à son hôtel. En moins de 20 minutes, un souper fin fut improvisé. Volaille froide, jambon d'York, pâté de foie gras truffé, rien n'y manquait. Les vins étaient à l'avenant. Martineau arriva à 11h et l'on se mit à table. On était au champagne frappé, lorsqu'un coup de sonnette, suivi bientôt de deux autres, retentit. Célestine Marbeau dressa l'oreille. « Mon rédacteur en chef me ferait-il relancer ?» dit Martineau. « Que le diable l'emporte !» Des pas précipités, éloignés d'abord, puis rapprochés, s'entendirent, et la porte de la salle à manger s'ouvrit avec fracas. Deux hommes entrèrent. Célestine Marbeau, en reconnaissant l'un de ces deux hommes, poussa un cri. Martineau semblait pétrifié. « Eh bien, ai-je menti ?» dit le vicomte de Kerlusset au jeune duc de Vallombreuse. Octave, pâle et frissonnant, s'avança lentement vers Martineau et Célestine. « Infâme !» murmura-t-il d'une voix étranglée. Célestine, certes, ne manquait pas d'audace. De son côté, Martineau n'était point lâche. Il avait plusieurs fois fait ses preuves. Mais il est des circonstances où la présence d'esprit et le courage même font défaut. Célestine Marbeau et Martineau, dans leur stupéfaction, ne trouvèrent que des phrases banales à répondre à l'épithète outrageante dont le jeune duc de Vallombreuse les avait gratifiées. « Je suis ici chez moi, » balbutia l'actrice. « On n'entre pas de la sorte chez une femme, » ajouta Martineau, « serait-ce chez sa maîtresse ?»« Taisez-vous tous les deux !» interrompit Octave en levant la cravache qu'il tenait à la main. Martineau se jeta devant Célestine pour la protéger. « Arrière !» lui ordonna le jeune duc en continuant à s'avancer. Le vicomte de Kerlusset lui arrêta le bras. « Vous m'avez promis d'être calme, » dit-il. L'actrice, épouvantée, s'était précipitée vers un cordon de sonnette et l'agita violemment. La porte de la salle à manger s'ouvrit de nouveau, et le nombre personnel domestique de l'hôtel fit brusquement invasion, y compris le suisse herculéen. Octave les cloua sur place par un regard, puis s'adressant à Célestine Barbeau. « Misérable créature, » lui dit-il. Et j'étais assez crédule pour ajouter foi à vos semblants d'amour, assez stupide pour me laisser dépouiller par vous, assez lâche pour avoir failli entraîner ma mère et mes sœurs dans ma ruine. Mais le bandeau qui me couvrait les yeux est tombé. La lumière s'est faite devant moi. Mon indigne passion ne m'inspire plus que des regrets, de la honte. Et le seul sentiment que je vous porte à cette heure, c'est du mépris. Allons. « Remettez-vous à table tous les deux. Achevez votre festin que mon heure a payé. Dans cet hôtel qu'il a payé aussi. Buvez, buvez à ma santé le vin de mes caves. Gorgez-vous-en. J'ai reconquis ma raison, ma liberté, la dignité de moi-même, et je vous abandonne à votre infamie. » Le jeune duc de Vallombreuse, après avoir proféré ces paroles, jeta sa cravache au visage de Célestine Marbeau et de Martineau, puis s'éloigna, tête haute, avec le vicomte Kerlusset. Les valets étaient stupéfaits. Martineau et l'actrice semblaient écrasés. « Bien, Octave, bien, » dit Amaury, « voilà redevenu un homme. »